Genèse chapitre 40. Après ces choses, il arriva que les chansons du roi d'Égypte, et le panetier offensèrent le roi d'Égypte, leur seigneur. Et Pharaon fut fort irrité contre ses deux eunuques, contre le grand échanson et contre le grand panetier, et les mit en garde dans la maison du prévôt de l'autel, dans la prison étroite, au même lieu où Joseph était renfermé. Et le prévôt de l'autel les mit entre les mains de Joseph, qui les servait, et ils furent quelques jours en prison. Et tous deux songèrent un songe, chacun son songe en une même nuit, et chacun selon l'explication de son songe, tant les chansons que le panetier du roi d'Égypte, qui était renfermé dans la prison. Et Joseph vint à eux le matin, et les regarda, et voici, ils étaient fort tristes. Et il demanda à ses eunuques de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit, « D'où vient que vous avez aujourd'hui si mauvais visage ?» Et ils lui répondirent, « Nous avons songé des songes, et il n'y a personne qui les explique. » Et Joseph leur dit, « Les explications ne sont-elles pas de Dieu ? Je vous prie, contez-moi vos songes. » Et le grand échanson conta son songe à Joseph, et lui dit, « Il me semblait en songeant, que je voyais un cèpe devant moi, et il y avait en ce cèpe trois sarments, et il était prêt de fleurir, sa fleur sortit, et ses grappes firent mûrir les raisins. Et la coupe de Pharaon était en ma main, et je prenais les raisins, et les pressais dans la coupe de Pharaon, et je lui donnais la coupe en sa main. » Et Joseph lui dit, « Voici son explication, les trois sarments sont trois jours. Dans trois jours Pharaon élèvera ta tête, et te rétablira en ton premier état, et tu donneras la coupe à Pharaon en sa main, selon ton premier office, lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi, quand ce bonheur te sera arrivé, et fais-moi, je te prie, cette grâce, que tu fasses mention de moi à Pharaon, et qu'il me fasse sortir de cette maison, car certainement j'ai été dérobé du pays des Hébreux, et même je n'ai rien fait ici pour qu'eux ils ont dû me mettre en cette fosse. » Alors le grand panetier, voyant que Joseph avait expliqué ce songe favorablement, lui dit, « J'ai aussi songé, et il me semblait qu'il y avait trois corbeilles blanches sur ma tête, et dans la plus haute corbeille, il y avait de toutes sortes de viandes du métier de boulanger pour Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur ma tête. » Et Joseph répondit, et dit, « Voici son explication, les trois corbeilles sont trois jours. Dans trois jours Pharaon élèvera ta tête de dessus toi, et te fera pendre un bois, et les oiseaux mangeront ta chair de dessus toi. » Et il arriva au troisième jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs, et il fit sortir de prison le grand échanson et le maître panetier, ses serviteurs. Et il rétablit le grand échanson dans son office d'échanson, lequel donna la coupe à Pharaon, mais il fit pendre le grand panetier, selon que Joseph le leur avait expliqué. Cependant le grand échanson ne se souvint point de Joseph, mais l'oublia.